Souvenir de Guy de Maupassant. Publié dans Gil Blas le 16 février 1882. Depuis la veille, on n'avait rien mangé. Tout le jour, nous restâmes cachés dans une grange, serrés les uns contre les autres pour avoir moins froid, les officiers mêlés aux soldats et tous abrutis de fatigue. Quelques sentinelles couchées dans la neige surveillaient les environs de la ferme abandonnée qui nous servait de refuge pour nous garder de toute surprise. On les changeait d'heure en heure afin de ne les point laisser s'engourdir. Ceux de nous qui pouvaient dormir, dormaient. Les autres restaient immobiles, assis par terre, disant à leurs voisins quelques mots de temps en temps. Depuis 3 mois, comme une mer débordée, l'invasion entrait partout. C'était de grands flots d'hommes qui arrivaient les uns après les autres, jetant autour d'eux une écume de maraudeurs. Quant à nous, réduits à 200 francs tireurs, de 800 que nous étions un mois auparavant, nous battions en retraite entourés d'ennemis, cernés, perdus. Il nous fallait, avant le lendemain, gagner Blainville, où nous espérions encore trouver le général C. Si nous ne parvenions dans la nuit à faire les 12 lieues qui nous séparaient de la ville, ou bien si la division française était éloignée, plus d'espoir. On ne pouvait marcher le jour, la campagne étant pleine de Prussiens. À 5 heures, il faisait nuit, cette nuit blafarde des neiges. Les muets flocons blancs tombaient, ensevelissaient tout dans ce grand drap gelé qui s'épaississait toujours sous l'innombrable foule et l'incessante accumulation des vaporeux morceaux de cette ouate de cristal. À 6 heures, le détachement se remit en route. 4 hommes marchaient en éclaireur, seuls, à 300 mètres en avant. Puis venait un peloton de 10 hommes que commandait un lieutenant, puis le reste de la troupe, en bloc, pêle-mêle, au hasard des fatigues et de la longueur des pas. À 400 mètres sur nos flancs, quelques soldats allaient deux par deux. La blanche poussière descendant des nuages nous vêtait entièrement, ne fondait plus sur les képis ni sur les capotes, faisait de nous des fantômes, comme les spectres de soldats morts. Parfois, on se reposait quelques minutes. Alors, on n'entendait plus que ce glissement vague de la neige qui tombe, cette rumeur presque insaisissable que fait l'emmêlement des flocons. Quelques hommes se secouaient, d'autres ne bougeaient point. Puis, un ordre circulait à voix basse. Les fusils remontaient sur les épaules, et d'une allure exténuée, on se remettait en marche. Soudain, les éclaireurs se replièrent. Quelque chose les inquiétait. Le mot « halte » circula. C'était un grand bois devant nous. 6 hommes partirent pour le reconnaître. On attendit dans un silence morne. Et tout à coup, un cri aigu, un cri de femme, cette déchirante et vibrante note qu'elles jettent dans leurs épouvantes, traversa la nuit épaissie par la neige. Au bout de quelques minutes, on amenait 2 prisonniers, un vieillard et une jeune fille. Le capitaine les interrogea, toujours à voix basse. « Votre nom ?»« Pierre Bernard. »« Votre profession ?»« Sommelier du comte de Rouffay. »« Et c'est votre fille ?»« Oui. »« Et que fait-elle »« Elle est lingère au château. »« Comment rôdez-vous comme ça la nuit, nom de Dieu ?»« Nous nous sauvons. »« Et pourquoi ?»« 12 oulans ont passé ce soir. »« Ils ont fusillé 3 gardes et pendu le jardinier. »« Moi j'ai eu peur pour la petite. »« Où allez-vous ?» À Blainville. Pourquoi ? Parce qu'il y a là, dit-on, une armée française. Vous connaissez le chemin ? Parfaitement. Cela suffit, restez à mon côté. Et la marche à travers champs recommença. Le vieillard silencieux suivait le capitaine. Sa fille se traînait près de lui. Tout à coup, elle s'arrêta. Père, dit-elle, je suis si fatiguée que je n'irai pas plus loin. Et elle tomba. Elle tremblait de froid et paraissait prête à mourir. Son père voulut la porter, il ne put même pas la soulever. Le capitaine tapait du pied, jurait, furieux et apitoyé. « Nom de Dieu, je ne peux pourtant pas vous laisser crever, là !» Mais quelques hommes s'étaient éloignés. Ils revinrent avec des branches coupées. Alors, en une minute, une litière fut faite. Le capitaine s'attendrit. « Ah, nom de Dieu, c'est gentil, ça. Allons, les enfants, qui est-ce qui prête sa capote maintenant ? C'est pour une femme, nom de Dieu !» 20 capotes furent détachées d'un coup et jetées sur la litière. En une seconde, la jeune fille, enveloppée dans ses chauds vêtements de soldat, se trouva soulevée par 6 bras robustes qui l'emportèrent. On repartit comme si on eût bu un coup de vin, plus gaillardement, plus joyeusement. Des plaisanteries couraient même, et cette gaieté s'éveillait que la présence d'une femme redonne toujours au sang français. Les soldats maintenant marchaient au pas, fredonnaient des sonneries, réchauffés soudain. Et un vieux franc-tireur qui suivait la litière, attendant son tour pour remplacer le premier camarade qui flancherait, ouvrit son cœur à son voisin. « Je ne suis plus jeune, moi. Eh ben, cré coquin. Le sexe, il y a tout de même que ça pour vous flanquer du cœur au ventre. » Jusqu'à 3 heures du matin, on avança presque sans repos. Mais brusquement, pareil à un souffle, le commandement « Halt !» fut de nouveau chuchoté. Puis, presque par instinct, tout le monde s'aplatit par terre. Là-bas, au milieu de la plaine, quelque chose remuait. Cela semblait courir. Et comme la neige ne tombait plus, on distinguait vaguement, très loin encore, une apparence de monstre qui s'allongeait ainsi qu'un serpent. Puis soudain paraissait se rapetisser, se ramasser en boule, s'étendre de nouveau en prenant des élans rapides, et s'arrêtait encore et repartait sans cesse. Des ordres murmurés couraient parmi les hommes étendus, et de temps en temps un petit bruit sec et métallique claquait. Brusquement la forme errante se rapprocha, et l'on vit venir au grand trot, l'un derrière l'autre, 12 oulans perdus dans la nuit. Ils étaient si près maintenant qu'on entendait le souffle des chevaux, et le son de ferraille des armes, et le craquement du cuir des selles. Alors la voix forte du capitaine hurla « Feu, nom de Dieu !» Et 50 coups de fusil crevèrent le silence glacé des champs. 4 ou 5 détonations attardées partirent encore, puis une autre toute seule, la dernière. Et quand l'aveuglement de la poudre enflammée se fut dissipé, on vit que les 12 hommes avec 9 chevaux étaient tombés. 3 bêtes s'enfuyaient d'un galop forcené, et l'une traînait derrière elle, pendue par le pied à l'étrier, et bondissant, le cadavre de son cavalier. Le capitaine joyeux cria « Tous de moi, nom de Dieu !» Un soldat dans le tas répondit « Ah, v'là des veuves !» Un autre ajouta « Faut pas grand temps tout de même pour faire le saut !» Alors, du fond de la litière, sous l'entassement des capotes, une petite voix endormie sortit « Qu'est-ce qu'il y a, père? Pourquoi tire-t-on des coups de fusil ?» Le vieillard répondit « Ce n'est rien, dors, petite !» On repartit. On marcha encore près de 4 heures. Le ciel pâlissait, la neige devenait claire, lumineuse, luisante. Un vent froid balayait les nuages, et une pâle roseur, comme un faible lavage d'aquarelle, s'étendait à l'orient. Une voix lointaine soudain cria « Qui vive ?» Une autre voix répondit. Tout le détachement fit halte, et le capitaine partit lui-même en avant. On attendit longtemps, puis on recommença d'avancer. Bientôt, on aperçut une masure et devant un poste français l'arme au bras. Un commandant à cheval nous regardait défiler. Tout à coup, il demanda « Qu'est-ce que vous portez sur ce brancard ?» Alors, les capotes remuèrent. On en vit sortir d'abord 2 petites mains qui les écartaient, puis une tête ébouriffée, tout ennuagée de cheveux, mais qui souriait, et répondit « C'est moi, monsieur. J'ai bien dormi, allez, je n'ai pas froid. » Un grand rire s'éleva parmi les hommes, un rire de vive satisfaction, et un enthousiaste pour exprimer sa joie ayant vociféré « Vive la République !» Toute la troupe, comme prise de folie, beugla frénétiquement « Vive la République !» 12 ans se sont écoulés. L'autre jour, au théâtre, la fine tête d'une jeune femme blonde éveilla en moi un confus souvenir. Un souvenir obsédant, mais indéterminable. Je fus bientôt tellement troublé par le désir de savoir le nom de cette femme que je le demandai à tout le monde. Quelqu'un me dit c'est la vicomtesse de L, la fille du comte de Rouffé. Et tous les détails de cette nuit de guerre se sont levés en ma mémoire, si nets que je les ai immédiatement racontés, afin qu'il les écrivît pour le public, à mon voisin de fauteuil et ami, qui signe.